bon ce test. Alors ah oui, je sais ce qui crée. Ah. Allô. Super. Ouais. Ah. Ok, c'est bon, ça marche. Ça marche à 100% pour moi en tout cas et ça passe à la radio. Test. Test. Test. Moi j'ai encore des crépitements dans mon son, mais c'est mon truc. Ah oui, il y en a pas chez moi. Enfin, je les entends pas, des crépitements. Ça crépite. Allô. Ok. Non. Ok. Test. Ah, il y a Rémi qui arrive. Moi, c'est bon. Allô. Non. Ça marche. Il y a plus de latence là ou. Allô. Ok. Si, il y en a pas. Mais on fera avec. Ah, pour toi, il y en a un peu. Bon, ok. Je sais pas trop. Mince. Ok, bah ouais, redémarre, je pense. Hein. C'est le seul. Ouais. Mais bon, t'inquiète. Enfin, Victor. Je parlais à Victor. Test. Ah, bon, ça y est. Bah, moi, j'ai plus de crépitement en fait. Ah, là, super. Bon. Pardon. Là, je teste pour voir si. Ok. Bon, je vais couper le micro parce que je vais manger mes pâtes. Mais si je suis là pour voir s'il y a des problèmes, moi, des trucs comme ça. Cool. Je sais même plus comment couper mon micro. J'ai des interférences de son, c'est moi ça.